Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Paul Gauguin, partir pour mieux peindre. Gauguin a toujours été un peintre qui m'a agacé souverainement à cause de son caractère, son côté pédant, son côté violent, son côté vulgaire parfois. Je trouvais que c'était un être veul, c'était un être lâche. Et je me suis rendu compte que c'est pas vrai du tout. Il avait une ligne de conduite, c'était un être d'une intelligence extraordinaire et il savait exactement où il voulait aller. Il y a Gauguin, l'homme, cet homme complexe dont parle Henri Barrasse à l'émission L'Aventure en mars 1988. Puis il y a Gauguin, le peintre. Celui-là, il appartient indiscutablement aux quelques grands noms de la peinture au 20e siècle, avec Paul Cézanne ou Vincent Van Gogh. Paul Gauguin est, par exemple, une figure importante du post-impressionnisme. Son influence sur les peintres fauves, sur les expressionnistes, sera en ce sens-là majeure. Certains estiment même que Gauguin est celui qui va ouvrir la voie au modernisme en peinture. Tirer d'ici. Il n'y a plus un visage, il n'y a plus un paysage qui mérite d'être peint ici. Pourquoi partir maintenant? Parce que j'étouffe. Mais non, pas avec toi, Paul. Vous êtes un sauvage, cher Gauguin. Pas vous, tous. Et toi? Tu as décidé de t'en souvenir. Je peins, je dessine toute la journée. Je ne me suis jamais senti aussi aiguisé. Je suis un enfant. Je suis un sauvage. J'ai tellement enduré de souffrance pour poursuivre ma voie. Je continue mon chemin. J'ai un but. Je suis un grand artiste. Et je le sais. Extrait de la bande-annonce du film Gauguin, voyage de Tahiti, réalisé par Édouard Deluc en 2007 et qui met en vedette Vincent Cassel. Pour nous présenter le parcours hors du commun de Paul Gauguin, je reçois Daniel Drouin, qui est conservateur au Musée national des beaux-arts du Québec, à Québec. Daniel Drouin, bonjour. Bonjour. Il appartient, Gauguin, à cette catégorie d'artistes dont le prénom a disparu avec le temps. C'est déjà dire beaucoup de sa notoriété. Pourquoi une telle renommée? Vous venez de le dire, Gauguin est un personnage hors du commun. Il est plus grand que nature. Puis sa pulsion créatrice a guidé sa vie au détriment de ses rapports avec la société de son temps, avec ses amis, avec sa famille. Il savait que c'était un génie, mais il disait de lui-même qu'il était martyr de son art. Et une chose très amusante que je vais vous dire, c'est que dans un des textes qu'il a écrit, dans son ouvrage Noah Noah, il prend la devise de la France et se l'applique à lui-même, liberté, égalité, fraternité. Liberté, il dit oui. Égalité, il dit pas beaucoup. Fraternité, il dit pas du tout. Et ça, c'est ses mots à lui. Donc, ça parle vraiment de son rapport avec l'univers. Puis, s'il a connu une vie artistique professionnelle misérable, c'était cependant un génie de la peinture et de la sculpture. Et son art est extraordinaire. Ses couleurs sont d'une beauté exceptionnelle. Et comme Van Gogh, Gauguin n'a pas connu la gloire. Mais par contre, ses galeristes, ses amis ont tenté, beaucoup plus que pour Van Gogh, de le mettre en valeur de son vivant. Mais c'est seulement à la fin de sa vie que sa notoriété va s'étendre dans le monde entier. Et pour parler aussi à quel point c'est un bonhomme important, en 2015 puis 2018, il y a 6 tableaux de Gauguin qui ont été mis en vente aux enchères publiques dans le monde. Et ces 6 tableaux-là ont rapporté 400 millions de dollars, alors que Gauguin vendait ses tableaux de son vivant pour des peccadilles. Donc une vie, peut-être pas de misère, mais en tout cas qui n'a pas été un fleuve tranquille, si on s'entend là-dessus tout de suite, mais une notoriété, une postérité, une importance dans l'histoire de l'art qui est très, très grande. De quelle manière il a été important dans l'histoire de l'art, Paul Gauguin? comme Paul Cézanne puis Vincent Van Gogh, Gauguin est sans doute le peintre qui a eu le plus d'influence sur le mouvement de la peinture du 20e siècle naissante. Ses textes ont eu un impact important. Ses lettres, les articles qu'il a publiés, plus que son œuvre de son vivant. Donc, son legs, ses textes, a eu vraiment un impact certain. Sa réflexion sur l'art. Tout à fait. Il disait, vous connaissez depuis longtemps ce que j'ai voulu établir, le droit de tout oser. Ouais. Et ça, c'est lui, ça. Et il y a eu plusieurs disciples hein, à l'école de Pont-Aven, puis les nabistes. Et ces derniers ont à leur tour transmis ces préceptes. Ouais. Et c'est ce qui fait, par exemple, que les expositions organisées après sa mort, les expositions hommages, ont répandu ces idées auxquelles des artistes comme Picasso et Matisse ont adhéré. Ouais. En fait, on dit que c'est probablement l'une des figures les plus importantes, je le disais d'entrée de jeu, du post-impressionnisme. Parlons tout de suite de ça, en fait. Parce que en peinture, c'est par l'impressionnisme qu'il entre dans ce monde de la peinture avant de s'en éloigner. Absolument. Alors qu'il est un jeune agent de change, qu'il vient de se marier, qu'il fait sa famille, qu'il est établi dans un appartement bourgeois de Paris, il est déjà en contact avec Camille Pissarro. Et Pissarro, c'est un des maîtres impressionnistes. Et Pissarro va petit à petit le former à la peinture. Gauguin le suit partout en France, le fréquente sur une base régulière. Et Gauguin aussi, à l'époque, se monte une collection d'œuvres d'art constituée de tableaux de peintres impressionnistes. Ouais. Ça, c'est à l'époque. Et le début, donc, de son intérêt pour la peinture, pour l'art, ses premières esquisses. C'est à l'époque où Gauguin s'est, entre guillemets, rangé en rencontrant cette Danoise, en faisant 5 enfants. Parce qu'avant ça, il faut le dire, il a bourlingué pendant 10 ans sur les mers du monde. Paul Absolument. Gauguin. La vie de Gauguin, à partir de sa naissance jusqu'à ce qu'il se range avec Met Gab en 1873, c'est une histoire abracadabrante. Il est issu d'une famille moitié française et moitié d'origine péruvienne. Sa grand-mère maternelle était une communiste invétérée et une femme qui avait des ancêtres péruviens, donc la fameuse Flora Tristan, ouais. qui était une féministe avant l'heure. Il quitte avec sa famille, enfant, à l'âge d'un an, en 1849, à Lima, au Pérou, mais son père meurt durant le trajet. Il va vivre avec sa mère chez un grand-oncle à Lima, dans un environnement complètement différent de ce qu'est l'Europe à cette époque-là, avec des individus qui ont des faciès semblables aux siens. Ouais. Parce que ses origines péruviennes ont eu des incidences sur son physique. C'est un homme qui est court, c'est un homme qui a un nez très fort et qui a un aspect très péruvien. Et ça va le suivre, ça. Ça va le suivre toute sa vie. Parce que la société européenne, à l'époque, elle est très hermétique, elle est très fermée. On a l'impression qu'elle est ouverte sur le monde, mais il sera ostracisé à cause de cette différence très visible toute sa vie. Et donc, il va faire une partie de son enfance après le retour en France à Orléans, dans la famille de son père. Ensuite, il décide de joindre la marine marchande. Et pendant une dizaine d'années, de l'âge de 17 à 27 ans, il va bourlinguer sur les mers du monde. Ouais. Avec tout ce que ça veut dire, évidemment. Et ça nous ramène donc à son retour en France, à ce mariage, à cette famille qu'il va fonder, 5 enfants, donc, qui vont naître de cette union. Son amour de l'art, là, qui commence à devenir plus concret. Son contact avec les impressionnistes. Et puis, à un moment donné, tout éclate. Sa vie personnelle, divorce, enfin, oui. sa séparation. Oui. Et même... en même temps que cet éclatement-là, ou à peu près en même temps, un recul par rapport à l'impressionnisme qu'il a formé, qu'il a tant aimé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il en a assez. Il est las de cette peinture impressionniste. Et il a vécu des difficultés familiales, professionnelles. Il a perdu son emploi. Comme vous venez de le dire, il a quitté femmes et enfants. Et il a besoin de fuir pour découvrir qui il est réellement et donner un sens à sa vie. Et c'est pour cette raison qu'il joint un groupe, le groupe des synthétistes, à Pont-Aven, en Bretagne, durant la seconde moitié des années 1880. Et là, il a une révélation. Gauguin est plus vieux que les jeunes qui forment ce groupe. Il y a Émile Bernard, il y a Paul Sérusier. Ce sont des jeunes hommes dans le début de la vingtaine. Ouais. Gauguin, lui, est déjà avancé en âge. C'est un homme brillant qui va faire sien les préceptes de cette peinture-là. Il faut savoir que le mouvement du synthétisme, ça se traduit par une suppression de tout ce qui n'est pas mémorisé après la visualisation. C'est aux antipodes des impressionnistes. Les formes sont simples et la gamme de couleurs est restreinte. Et donc, ce sont des aplats, donc de grandes oui. taches de couleurs. C'est ça, c'est très particulier. Pas de plus de profondeur ou à peu près, là. Exactement. Ouais. Et pendant ces pérégrinations avec les membres de ce groupe, autant à Pont-Aven qu'à Pourlou, ils forment le jeune Paul Sérusier qui crée un tableau, le Talisman, qui, lui, sera le fondateur du mouvement des Nabis. Le Talisman, c'est un tout petit tableau qui est au Musée d'Orsay, qui est le premier tableau abstrait de l'histoire de l'humanité. Oui. Parce que c'est ça, au fond, quand vous dites s'éloigner de ce qu'on voit, là, le précepte du synthétisme, c'est... Donc, on quitte la représentation, la reproduction de ce qu'on a vu. Oui. Pour fonctionner avec sa mémoire, pour fonctionner avec la symbolique des choses. Et c'est ce qu'il met de l'avant avec ce groupe-là. D'où l'idée de Gauguin comme étant celui qui, un de ceux en tout cas, qui mène à cette transformation de la peinture vers ce qu'on va appeler le modernisme. Tout à fait, exactement. C'est que Gauguin, lorsqu'il peint durant les années 1870-80 en Europe, c'est en plein l'époque de la peinture officielle, oui. les salons officiels. C'est une reproduction fidèle de ce que l'on voit. C'est une photographie. Et lui et ses adeptes sont aux antipodes de ça. C'est la raison pour laquelle Gauguin ne vend pas de tableau, oui. n'est pas exposé, refusé dans les expositions, boudé, pour lequel il n'y a pas de critique. Et c'est la raison pour laquelle il va vivre misérablement toute sa vie. Oui. Ce qui fait qu'à un moment donné, il en a assez. Oui. Et en 1891, il décide de partir pour une première fois pour Tahiti. On écoute la biographe de Paul Gauguin, Paul Laudon, qui vit elle-même à Tahiti et qui parle de l'arrivée de Gauguin en Polynésie. Extrait de l'émission « Le cœur de l'été » diffusée au mois d'août 2002. Il est venu vivre à Tahiti. Il rêvait de peindre, de refaire sa vie. Le soleil, les îles lui inspireraient des chefs-d'œuvre dignes des plus grands musées. Il arrive le 9 juin 1891, en bateau évidemment, et il découvre une lumière à Tahiti, qui entoure tout et les choses et les êtres, et qui est fabuleuse, et qu'on ne peut pas ne pas ressentir sur le lagon, sur les montagnes, dès le matin qui se drape de bleu, puis le soir de violet, et puis sur le Pacifique, sur cette mer, donc il y est très sensible. Il est très sensible à la végétation. Bien sûr, Papé était une petite bourgade coloniale qui le déçoit peut-être. Elle est construite de briques, de broc, de tôle et de ciment. Mais il y a cette végétation qui recouvre tout et qui fascine Gauguin. Donc, il voit les Polynésiens ici et les Polynésiens l'adoptent. Et c'est très net quand il arrive à Mataïa. Il a une façon de regarder les gens et je pense qu'autour de lui, on éprouve de la sympathie, une sorte d'affection pour cet homme qui fait les hommes. Vous savez, un peintre, on dit l'homme qui fait les hommes. Il est connu pour ça. Il n'est pas commerçant, il n'est pas fonctionnaire, il n'est pas là pour faire de l'argent, pas du tout. Et ça, on le comprend très vite. Il ne sait pas faire de l'argent, il ne vend pas. Il est là pour regarder, comprendre les Polynésiens. Il ne sera jamais le nouveau Gauguin. Il vivra près d'elle. Sous le ciel serein, il a fait un feu de tous ses pinceaux et son chevalet flotte au fil de l'eau. Elle l'a regardé. Sur la chanson d'Antoine, Un petit air Gauguin, vous entendiez donc la biographe de Gauguin, Paul Laudon. On l'a un peu évoqué, Daniel Drouin, la raison du départ de Gauguin, il vend pas, ça va, il en a ras-le-bol de cette société européenne dans laquelle il vit, mais au-delà de ça, pourquoi il part pour Tahiti? Qu'est-ce qu'il cherche en partant pour Tahiti? Par ses lectures et les lieux qu'il fréquente à l'époque, entre autres, je pense à l'Exposition universelle de Paris 1889, il a été mis en contact avec la réalité polynésienne. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Faut pas oublier qu'il a bourlingué sur les mers du monde. Il a vu des ailleurs. Il a vu l'Amérique du Sud. Et ce sont ses origines aussi. Donc, il sait qu'il y a des ailleurs. Et cet ailleurs-là l'a séduit. Pour lui, cette civilisation-là est synonyme de pureté, ouais, de renouveau. Et ça, c'est un aspect important de la vie de Gauguin, se renouveler constamment. Il va se créer un imaginaire idéalisé des lieux, une espèce de paradis terrestre, mm-hmm, de la Polynésie. Parce qu'il souhaite trouver un monde primitif. Ce qu'il a lu, ce dont on lui a parlé, les mœurs des Polynésiens, ça fait rêver. Puis lorsqu'il arrive sur place, ben, il est immédiatement confronté à la réalité, comme Paul Laudon l'a dit. Tahiti est une colonie française où la population locale est soumise aux us et coutumes du continent. Ouais. Donc, il est déçu de ça. Oui. Cette civilisation, il veut la quitter, retrouver une société plus proche de ses racines, le primitivisme dont vous parliez. Puis, oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Cela dit, comment ça va se passer? De manière concrète, comment il vit quand il est à Tahiti? Puis, je reviens un peu à ce que disait Paul Laudon, de quelle façon il va être perçu, il va interagir avec les Polynésiens. Étrangement, Gauguin ne va pas essayer de recréer la civilisation polynésienne comme il se l'est imaginé, parce qu'on le sait, ça a été éradiqué par les colonialistes. Il va s'acheter un terrain, se faire construire une hutte, comme les Polynésiens. À l'intérieur, étrangement, il va vivre à l'européenne, dans sa hutte, ouais, absolument. Il va prendre ses repas qui sont préparés par une cuisinière à table, alors que les Polynésiens mangent par terre, ouais, à même le sol. Et ça, c'est particulier quand on découvre ça. On n'a pas l'impression qu'il vit comme ça quand on regarde sa peinture. Comme il va être en manque constant d'argent parce que ses toiles acheminées en France ne se vendent pas, eh bien, il ne sera pas heureux. Il ne sera pas aussi heureux, ouais, qu'il l'aurait espéré. Et comment ça se passe? Je reviens avec cette question-là, mais comment ça se passe avec les Polynésiens? Parce qu'évidemment, un incontournable quand on fait une émission sur Gauguin, quand on regarde ses portraits, les portraits de polynésienne, quand on pense à sa vie là-bas, il aura des compagnes très jeunes. Oui. On ne peut pas passer à côté de ça. Comment c'est vécu à l'époque? Et évidemment, avec notre regard d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça pose comme question sur le plan de l'éthique? Écoutez, avec les yeux d'aujourd'hui, Gauguin est très mal perçu en Polynésie. Aujourd'hui. Ouais. Autant à Tahiti qu'aux Marquises. Lorsqu'on lit les journaux locaux et qu'on fait référence à Gauguin, la perception est très négative. Cependant, lorsqu'on se replonge, durant la seconde moitié du 19e siècle, c'est une société, en France en particulier, Paris, la France, c'est le centre du monde, c'est une société très patriarcale où l'homme a la mainmise sur tout, hein, ouais, sur les finances, sur, ouais, la politique, sur la famille, sur la femme, sur les enfants. L'homme consomme, l'homme a des maîtresses et la femme n'a pas de droit. Donc, et c'est l'époque de la grisette, de, ouais, la lorette, de la Marie couche-toi là, de tout ce que vous voudrez. Donc, c'est un peu dans cet univers que Gauguin, ouais, transite. Et lorsqu'il arrive en Polynésie, les mœurs polynésiennes anciennes voulaient qu'à l'époque de l'adolescence, les jeunes hommes et les jeunes femmes étaient totalement libres, ouais, de faire ce qu'ils voulaient. Et ça, il a été mis en contact avec ça. Et c'est ce qui fait qu'il a voulu recréer cette façon de concubinage avec des jeunes femmes. Gauguin a eu 5 enfants avec sa femme d'origine danoise, oui, mais il a eu également 2 enfants hors mariage avec une Tahitienne et une jeune femme des îles Marquises. Oui. Et il y a des descendants aujourd'hui de ces enfants-là. Oui. Il va, bon, évidemment, sa peinture va évoluer. C'est sa grande période, la Polynésie. Là. Comment ça va, oui, se traduire dans ce qu'il fait? Ce que je retiens de cette période de transition, c'est que Gauguin est un sauvage, est un marginal. Et c'est très important pour lui de faire les choses comme il l'entend. Et ce qu'il montre dans sa peinture à cette époque-là, ce n'est pas synonyme des mœurs qu'on peut lui prêter. Il est fasciné par la culture polynésienne. Ouais. Ses tableaux, et il faut dire que la période polynésienne, c'est sa période la plus productive, de sa vie, donc à Tahiti et aux îles Marquises. Ses tableaux portent des noms polynésiens. Ouais. Il met en scène les légendes polynésiennes. Les différents éléments sont porteurs de symboliques polynésiennes. C'est vraiment fascinant. Et ce rêve qu'il chérissait quand il arrive en Polynésie, cette espèce de société, de paradis terrestre très pur, la nature, le primitivisme, c'est ça qu'on va voir dans ses peintures. C'est ce qu'il met en image, oui. Exact. Et puis, il va revenir à Paris pour retourner ensuite en Polynésie en 1895 et 1896. Et à ce moment-là, on va terminer l'émission là-dessus, il va produire ce que beaucoup considèrent être son chef-d'œuvre, cette toile « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? » C'est un très grand tableau. Spirituel. C'est un véritable testament pictural, spirituel et presque moral. Oui. Il donne, par la peinture elle-même, il donne, comment pourrait-on dire, l'idée qu'il a d'une solution à l'humain, qui est une sorte d'éternelle jeunesse féconde. Presque tout le monde est du sexe féminin dans ce tableau, ce qui est une indication quand même assez précise. Le personnage central, qui est légèrement décalé du centre et qui coupe, cueille un fruit dans un arbre, elle est complètement levée, dressée. C'est un très beau geste, un très beau corps, très simple, qui est posé là sur la terre. Et le lien entre la terre et le ciel, c'est ce fruit que donne la nature. Le critique d'art Bruno Maton à l'émission de France Culture « Peinture fraîche » en 1998. Racontez-nous, Daniel Drouin, l'histoire de ce tableau, son grand chef-d'œuvre probablement. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? En 1897, plus rien ne va plus pour lui. Il crève de faim et depuis son retour, il a des difficultés avec les dirigeants locaux. Et puis, il apprend la mort de sa fille unique. Il avait 4 garçons et une fille avec Medgab. Sa fille unique meurt en 1897. Le moral est au plus bas et il tente de se suicider. Mais en décembre de 1897, il rate son coup. Il va s'en suivre une formidable impulsion créatrice qui va mener à la réalisation de cette œuvre, qui est une synthèse des thématiques tahitiennes et de son état d'esprit. Il a écrit « J'ai voulu, avant de mourir, peindre une grande toile que j'avais en tête et durant tout le mois, j'ai travaillé jour et nuit dans une fièvre inouïe. » Voilà le parcours de Gauguin. Et ça va donner donc « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? » Il va terminer ses jours aux îles Marquises. Donc, il part en 1901 pour les îles Marquises et ce sera la fin de son parcours. Daniel Drouin, conservateur d'art ancien, responsable de la collection d'art inuit au Musée national des beaux-arts du Québec. Merci d'avoir accepté de plonger pour nous dans l'univers de Gauguin. Merci. Ça a été un grand bonheur. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.